Les débats. Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, donc bonsoir à tous et bonjour, c'est les débats de Gérard. Donc on va saluer Rigo à l'internet www.fanradio.fr. Oui, bonsoir. Big big up, tout le monde. Ok, donc Manu au standard 0870 5000. Ouais, en gros, salut. Et Fildar à la pro. Salut. Ok, donc on va accueillir Couille de loup. Bonsoir Gérard. Couille de loup, bonsoir. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Bulldog Mystère. Oui, bonsoir Gérard, t'aurais pu m'imiter aussi, je suis quand même une star, merde. Ouais, salut. Donc, le débat sur ça a porté sur la poésie. Donc, première question. Que pensiez-vous de la poésie? Si oui, pourquoi? Donc, on va demander à Bulldog Mystère. Ouais, c'est bien, du Gérard. La poésie. Est-ce que tu peux me répéter... Non, mais tu travailles. Est-ce que tu peux me répéter la question, s'il te plaît? Non, mais tu te fous de ma gueule, alors d'autres, bonne nuit, dégage. Hop, tu me gères ça, d'accord? Ouais, Gérard, c'est Manu. En gros, à la place de Bulldog Mystère, on accueille Saucisson à l'ail. Ok. Saucisson à l'ail, bonsoir. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Saucisson à l'ail une fois, saucisson à l'ail ouais, deux fois. Je suis là. Bon, alors t'as écouté la question? Ouais. Donc, pour toi? Ouais, bah moi j'aime bien la poésie, je trouve ça... Je trouve que ça ouvre l'intellect sur... Non mais, attends. Saucisson à l'ail, on va pas aller voir intellect ou autre, hein. On va pas chercher midi à 14h, d'accord? Ouais. Que penses-tu de la poésie? En fait, j'aime bien. J'aime bien. Donc, couille de loup pour toi? Ouais, moi j'aime pas ça. Je trouve que ça sert à rien, on nous fait chier à l'école, là, toujours apprendre des poésies, on s'en fout. Mais bon, c'est bien parce que t'apprends à lire quand même. Non mais attends, à l'école, déjà d'une. Quoi? Déjà, à l'école, la poésie, ça m'étonnerait qu'on en apprenne, hein. Je suis désolé. Ah bon? Non mais attends, moi je vais te dire une chose que... Non mais attends. Déjà, moi je veux dire une chose que l'école, bon ben, je sais pas que j'ai pas été, mais j'ai pas trop pratiqué de ce métier. Mais je veux dire une chose, tu vois, ça m'étonnerait, hein. Donc, change d'école, hein. Ok. Donc, moi en ce qui me concerne, moi c'est dommage parce que, bon ben, moi la poésie c'est un truc que j'aime bien, hein, c'est pas un truc qui me déteste. Donc, moi je veux dire une chose, que d'ailleurs ce sujet-là, il pourra confirmer. Ouais, tout à fait. Déjà ce soir, toi, je vais te bouffer ta petite chatte. Et je vais te dire une chose, que tu vois, la poésie, c'est un truc que moi, pour faire craquer les filles, c'est ok, quoi. Voilà, donc, on s'écoute un petit disque ou pas, là? On fait quoi? Non, conclusion, d'accord. Donc, conclusion, c'est pas mal. C'est dommage que, les auditeurs, c'est un peu des habituels, j'ai l'impression. Hein, que couille de loup, c'est Tony, on t'a reconnu. Donc, tu pourras pas dire que c'est le contraire, et toi, ceux qui sont en live, je t'attends, je sais pas. Dans mon lit, on va faire la fête. Rigo, sans indiscrétion, on a combien de monde, là, sur Internet? Oui, énormément de monde sur Internet, on est deux. Il y a moi et un mec de France Télécom, à qui d'ailleurs je fais une petite case dédiée. Ok. Donc, là, je crois que le record mondial d'Internet est pas prêt d'être battu, hein, parce que là, c'est bizarre, la semaine dernière, on avait atteint les plus de 3000. Et maintenant on est que deux, donc là je crois qu'on touche le fond du rouleau, hein. Donc on va s'écouter un petit disque quand même. On va s'écouter les Anus en feu avec Bouffe-moi la chatte le week-end, mais pas la semaine, je travaille. Et voilà, donc dans un instant vous allez retrouver Blondeau pour les nuits sans pub. Et bonne nuit à tous. Bravo, t'es bien assuré. Excellent. Ah, bravo, faut l'embaucher. Ah là, franchement, big up. Ah ouais, big up à toi parce que franchement, bravo.